direction générale des services, la police des polices, sont contradictoires. Barber affirme avoir été giflé et accuse les agents de brutalité, de racisme et de violence aggravée. Les policiers de leur côté disent avoir été mordus et parlent d'une furie forte comme un homme et impossible à maîtriser. Je croyais que la France était le pays des droits de l'homme pour l'éternité. Mais c'est liberté, égalité, pff, va te faire niquer. Joe, écoute, les aiguilles ont tourné. J'ai passé du gentil petit Pascal à ce sale noir. Je l'ai vu dans leurs yeux, dans les tiens, à la télé, putain. C'est pas de la parano de jeune, va te plus chercher. J'arrive pas à comprendre pourquoi quand je fais un truc de travers, ma peau en prend plus que ma personne. On me diabolise quand j'ai un job, quand un Alsacien est breton à la NPE. Oh, bouge pas le cul. Crois quoi, moi je trime aussi. Pour mes papiers, combien de fois je me suis trémoussé. On m'autorise que le sport, la musique, la prison et le ramassage de poubelles à 4 du mat. L'Afrique, mon emblème. SOS racisme n'a pas la solution à mon blême. Et si vous avez mordu, c'est que vous aviez les mains bloquées pour vous défendre autrement. Mais bien sûr, j'avais une main sous mon bloqué, mais il allait casser mes bras. Il allait casser mes jambes. Il allait me casser tout simplement. Vous vous taisiez, vous criez, vous... Non, même pas. Je l'ai dit, est-ce que vous faites ça votre femme à un moment? Je seul sais qui sont les vrais. Qui supporte mon langage de singe et qu'est-ce qui joue un rôle? Qui est? On est différents, bordel. Garde tes conneries pour toi, on n'est pas tous pareils. Ou des daltoniens ou des hypocrites. Ta fille aime sentir ma transpiration quand elle griffe mes omoplates de placos. 6 du mat, préfecture de Boboche, moins 4 degrés, des petits quinfris attachés au dos de leur mère. Fuck McDoom, Huguette Fatna, fuck Charlie, nique ma gloire. C'est Renoir, je suis trop les chimpanzés de service pour mieux passer si on veut. Oublie, je baisse pas mon froc pour chanter. Vieux français, tu m'as dit que t'avais rien contre les noirs, alors explique-moi pourquoi tu flippes quand je sors avec ta fille, quand je viens chez toi, quand on est seul tous les deux le soir dans le dernier RER. J'ai subi le favoritisme à l'école, pour ça que ma tolérance est morte à la malécale. J'ai plus le temps, maintenant je réponds aux attaques. T'es fou, je peux pas rendre un coup de patte avec un smack. Des fois avant de dormir, je demande à Dieu ce qu'il a prévu pour ma race, si ça changera avant que je m'arrache. La Starac veut le tismer, pas de grosses lèvres. Tous les jours je prie pour que mes négros se lèvent. Et vous qui avez ramené des médailles à la France, vous êtes mis à douter de la France à ce moment-là? Mais disons qu'aujourd'hui, c'est comme si du jour au lendemain, vous avez aimé profondément, et du jour au lendemain, la personne arrive et dit « je te trompe ». Je me sens profondément trompée, beaucoup de déception. Ne traite pas de macaque, ma tête brûle. Heureusement que le pain n'est pas passé au deuxième tour. Je serais peut-être plus là, tu vois. Sur TF1, ça a quoi des relations? Si t'as vu un noir au 21, ma gueule, c'est qui prépare les élections. Claire. Pas ça à la France. Le plat du pied d'Henri le Martiniquais sur un centre de Zizou, le Kabyle, c'est ça à la France. J'suis mal comme X pour 4 minutes. Vous voyez trop ma couleur de peau en 4 mini. Deux secondes. À tous mes frères du Maghreb qui font pas les maquerelles, qui chuchotent pas sale crêle. J'suis un homme du monde, mais quand je sors avec une maghrébine, tu me dévisages sans répit. J't'aiderai, tu t'appelles François ou Raouf. Mais toi tu m'en veux, bâtard, c'est ça qui me rend ouf. Ma couleur pose un problème, ne le cache pas. Hâte de faire carré, c'est très bien de quoi j'parle. Tu ramènes pas de médailles, tu ramènes pas 5 médailles pour la France. J'ai vous dit aux policiers, vous ramenez pas 5 médailles pour la France, ok? Est-ce que dans un moment de rage, vous vous êtes dit, mais je ne défendrai plus ce drapeau-là puisqu'on m'a tabassé? Jamais.